rallierai encore et te rallies sans dort. Te rallie est si belle quand elle dort et qu'elle rêve. Te rallierai encore et encore. Te rallie c'est la vie, te rallie c'est la mort qui chaque fois nous donne envie de le refaire encore. Te rallierai encore. Et encore. Te rallie, tu danses, danses des heures. Te rallie, tu danses, danses des heures. Te rallie, tu danses, danses des heures. Coralie, c'est la mer. Coralie qui t'emporte. Coralie se réveille sur la plage et s'endort. Coralie dans tes veines, Coralie rêve encore. Coralie dans nos âmes, Coralie dans nos corps. C'est le monde qui se pâme et qui nous parle encore. Coralie dans nos âmes, Coralie dans nos corps. Coralie, Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, tu restes pendant des heures. Coralie, tu danses, danses des heures. Encore et encore. Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, tu danses, danses des heures. C'est aussi les coquillages et marins et leurs trésors. Plus loin là-bas au large qui vivent et t'appellent encore. Plus loin là-bas au large qui vivent et t'appellent encore. Coralie c'est la mer, Coralie qui t'emporte. Coralie se réveille sur la plage et s'endort. Coralie c'est la vie, Coralie rêve encore. Oh Coralie, Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, tu danses, danses des heures. Encore et encore. Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, l'enfant des heures. Coralie, tu danses, danses des heures. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, t'as l'enfant des heures. Coralie, tu danses, danses. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Coralie, tu danses, danses des heures. Coralie, tu restes pendant des heures. Coralie, tu danses, danses des heures.